batterie. Thank you.

l'air de Red Hot, mais en ralenti. pas guéri ça. Un petit dernier. Un petit dernier. Ah merde, c'est vrai, c'est vrai. We'll be right back. Laissez-moi péter ces cigares. On peut aller prendre l'apéro maintenant.